Chapitre 11e. Je ne suis pas seul, dit Maître Bois en entrant. J'ai Monsieur Rodillon avec moi. Rodillon. Le pauvre Victor devint tout pâle. Guillemard le regarda d'un air étonné. Rodillon, ici? Je lui écris, fit Ribert timidement. Veux-tu le voir? Pas le moins du monde, je le vois assez toute la journée. Ce monsieur est très pressé. Il ne me parlait qu'à monsieur, dit Catherine. C'est un sauvage, Rodillon, fit Guillemard. Et il a ses raisons, judiciaire. Il riait un peu, mais parlait tout bas. Faites entrer dans mon cabinet. Oui, monsieur. Maître Auboin, en habit noir, de blanc cravaté, souriait, saluait et disait « C'est très drôle. Tel que vous nous voyez, nous sommes à l'opéra maintenant, Rodillon et moi. Il m'a parlé d'une lettre à lui adressée par vous. Il m'a demandé des renseignements. Nous avons quitté le tribut de Zamora et nous voilà. Vous êtes en famille ?»« Les trois cousines, » dit-il en se tournant vers Geneviève. Et les jeunes filles assises maintenant côte à côte sur un canapé. Quand je dis les trois cousines, je pourrais dire les trois sœurs. Mon prédécesseur, maître de Rival, eut certainement dit les trois grâces. André s'est élevé et tendait au notaire une tasse de thé. Vous connaissez l'affaire dont il s'agit, monsieur Auboin? Dit-elle de sa voix qui caressait. Non, mademoiselle, mais monsieur Rodillon paraît enchanté. « Ce n'est pas une raison, » dit Guillemard, qui riait. Il donna une tape sur l'épaule de Victor et ajouta gaiement. « Hypocrite, si tu voulais entrer dans les grandes affaires, il fallait y entrer avec moi. Rodillon, c'est un tripoteur. » Geneviève, très émue sous une apparence de froideur, était venue vers son mari et elle le regardait avec une expression toute nouvelle, comme si elle eût découvert tout à coup chez lui des ressources intellectuelles, des énergies, une audace qu'elle ne lui soupçonnait pas. Il avait donc enfin, comme elle, la nausée de cette médiocrité écœurante. « Allez, » dit-elle, « je vous en prie, Victor, ne faites pas attendre ce monsieur. » Il lui semblait à cette femme que là, derrière la porte du salon donnant sur le bureau, c'était la fortune qui venait d'entrer. « Vous savez, » dit Auboin à Ribert, « si vous aviez besoin de moi pour quelques conventions à établir, avec Rodillon, on a besoin d'un notaire. Fichtre, oui, ajouta Guillemard. Je le connais, je fais des affaires avec lui. Victor était pâle comme un mort. Il se regardait dans la glace, boutonnait machinalement sa redingote. Il arrivait là à un moment décisif de sa vie, sa main tremblait. Geneviève lui avait pris le bras et haussant vers lui sa jolie tête, ses cheveux bruns qui embaumaient, elle lui disait à l'oreille, lui frémissant et effrayé maintenant. Victor, tâche d'avoir ceci présent à l'esprit, qu'il faut marier André, que l'on t'a caché ici des privations pénibles. Ce Rodillon est un homme habile. Ce qu'il te proposera, je l'ignore. Mais fais cette affaire, Victor, je t'en supplie. Sois tranquille, dit Ribert, dont les doigts serrèrent nerveusement la main douce de Geneviève. Il la regarda, regarda André, ouvrit la porte et entra dans le bureau, en se raidissant contre lui-même, comme il l'avait fait le jour où il allait implorer l'oncle Ducret. Guillemard entendit la voix sèche de Rodillon saluer Victor, puis la porte se referma, la portière du bureau retomba sur les deux hommes, et tout bruit fut assoupi. C'était pourtant la vie de Geneviève qui se jouait là. « Y a-t-il quelque chose de nouveau chez Ducret, maître Auboin ?» demanda Louis. « Rien, grand paresseux. » « Ah, je la connais, celle-là, » dit le peintre, paresseux. « En art, quand on travaille, on dit « il en a fait trop ». Quand on se recueille, on dit « il ne fait rien ». Il y a 2 ans, comme m'avait promis une petite danseuse, jupe blanche, minois chiffonné, devant la rampe, une de ces jolies petites rousses que vous faites si bien. Raymonde avait écouté et souri. « 2 ans. Vous manquez à ma galerie. Et vous savez qu'elle est cotée, ma galerie. » Votre place est marquée. Le cartouche est commandé. Elle, Ribert, école française ou néo-française. J'attends. Rien. Mais rien, rien de rien. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a plus de modèle de petites danseuses à l'opéra. Elles ont tout équipage. Elles ne posent plus. Le temps de les croquer, elles ont croqué des Péruviens. Guillemard, pratiquement, interrompit la discussion. Il demandait des nouvelles de l'héritage. Ce satané Ducret avait dû faire quelque férocité, dépouiller ses neveux, tout donner à Mélie Brunet. Et encore et toujours, il revenait à son dada. En homme habitué à faire, il redoutait ce qu'on appelle un coup de chien. Avec de vieilles têtes fêlées comme Sylvain, il fallait s'attendre à tout, ou ne s'attendre à rien. Et enchanté de sa plaisanterie, il voulut se retirer là-dessus. Il faisait chaud. Ces soirs de mai devenaient étouffants comme le plein été. Et on respirait si bien au bois. Une promenade au bois, Louis. Avec Raymonde, c'était une heure de gaieté, de taquineries amusantes. Très volontiers. Vraiment, Guillemard n'était pas fâché d'échapper à la tristesse de cette soirée et à ce silence morne. Il offrit à Geneviève, d'une voix qui l'adoucissait, une place dans sa voiture. Ah, comme elle eût dit oui, si là, derrière cette porte, elle n'avait pas su que son avenir même s'agitait. Avant tout, elle voulait savoir ce que Rodion venait offrir à Victor et ce que le négociant avait accepté. « Merci, cousin, une autre fois. »« Quand vous voudrez, » dit Guillemard en prenant la main de la jeune femme qu'il garda un peu trop longtemps, la sentant frémir dans la sienne. « Tout ce qui est à moi est à vous. » Geneviève éprouvait une bizarre sensation de malaise, un étourdissement qui n'était point sans charme. Elle avait eu de ses vertiges au haut des falaises, en regardant sous ses pieds la mer qui l'attirait. Personne n'avait entendu ce qu'avait dit Émile tout bas, avec une émotion singulière chez ce gros homme. Mais tout en regardant Raymonde qui mettait ses gants, Louis, du coin de l'œil, étudiait Guillemard en peintre. Le manège du cousin l'amusait. « Vous nous excuserez auprès de Victor, » dit-il à Geneviève. « À bientôt. Au revoir, maître Auboin. Si l'oncle Ducret m'a institué son légataire universel, ne m'envoyez pas de télégramme. Il met 100 ans à arriver. » Guillemard laissa passer devant lui sa fille, qu'André accompagnait, et envoya un dernier salut à Madame Ribert. Geneviève entendait s'éloigner les cousins avec une amère tristesse. Comme si c'eût été, avec Émile la fortune et avec Louis la gaieté, qui eussent brusquement quitté le logis. La porte qui donnait dans l'antichambre s'était à peine refermée sur Guillemard, que maître Auboin, étonné, dit en voyant Victor Ribert apparaître, fort pâle, au seuil de son bureau et rentré dans le salon. « Comment ? Déjà vous ?» Déjà, Geneviève sentait le cœur lui sauter dans la poitrine. « Eh bien, qu'avait dit Rodion ?» Elle trouvait d'ailleurs que son mari avait l'air troublé, presque abattu. Il regardait devant lui, ne disait rien. André rentra, disant à son père « Je viens de voir que tu reconduisais ton visiteur. C'est donc déjà fini votre conférence ?»« C'est fini, mon enfant. » La voix de Ribert était serrée et rauque. « Alors, cette affaire ?» demanda Geneviève. « N'en parlons plus. Une folie. »« Une folie. » dit le notaire. « Rodion n'est pourtant pas l'homme des sottises. C'est un sage, Rodion. Qu'est-ce qu'il venait vous proposer ?»« Ah, je n'ai pas la main heureuse pour mes débuts, » fit Ribert avec amertume. « J'avais écrit. Je faisais mes offres de service. Je ne me doutais pas qu'on allait... Ça, vraiment, mon cher Auboin ?» Il s'interrompit pour regarder bien en face le notaire. « Vous ne saviez rien, n'est-ce pas ?»« Rodion ne vous avait rien dit en chemin de ce qu'il venait m'offrir. Rien ?»« Tant mieux, » dit Ribert comme soulagé en serrant la main du notaire. « Qu'était-ce donc ?» demanda maître Auboin. « Une bagatelle. Presque rien. Un accaparement. » Cet homme doux, timide, sentait en lui grandir des révoltes qui se traduisaient par un accent strident et colère. Un accaparement. Le notaire avait froncé les lèvres avec un léger petit air de mépris. « Ah, bah, oui. On me proposait tout simplement la présidence d'un joli petit conseil d'administration destiné à mener l'opération à bien. J'aurais tout endossé, tout signé, tout avalé. C'est bien simple. Qu'est-ce donc, maître Auboin, qu'un accaparement ?» dit alors André, dont la voix tremblait comme devant un danger qui devenait aussi blême que son père. Geneviève, assise, muette, écoutait. Tandis que, cherchant des mots pour se faire bien comprendre, le notaire disait « Mademoiselle, c'est, par exemple, la concentration de marchandises essentielles, nécessaires à la consommation et qu'on a retirées de la circulation pour en exagérer le prix à volonté. Comprenez-vous ? « Eh bien ?» dit André très simplement en regardant son père. « Ce monsieur Rodion est parti étonné, furieux, je crois. Est-ce qu'il ne s'attendait pas à ton refus ?» Le pauvre Ribert eut dans les yeux un éclair de fierté. La chère fille, elle le comprenait, celle-là. Il eût souhaité le même cri sur les lèvres de Geneviève. Geneviève se taisait. « Alors, dit maître Auboin, vous avez congédié le Rodillon ?» À son grand étonnement. « Mais je crois qu'il espère encore dans les réflexions que je puis faire. Ah, il a fait briller de jolis chiffres, Mazette. Il faut être dégoûté pour refuser ça. J'en sais qu'il se serait jeté là-dessus comme des chats sur la pâtée. » Il se mit à rire nerveusement, d'un de ces rires qui sentent la folie et qui font mal. Puis, se domptant lui-même et revenant à sa pensée triste. « Allons, dit-il, il y a des moments durs dans la vie, et ils sont longs, ces moments-là. J'avais un tel désir de rencontrer quelque chose de possible, moi. Je croyais bien qu'avec des gens qui ont devant eux tout ouvert, tout, enfin, il faut en prendre son parti. Bonsoir, maître Auboin. Bonsoir, monsieur Ribert, dit le notaire en serrant fortement la main du brave homme. Et patience. Tant qu'on peut garder le front si haut que vous, on domine tout. Allez, on garde son droit à tout. Même à la misère, songeait Ribert qui tout haut répondit au notaire. Vous avez raison, merci. Mais les années passent, et chaque jour un pied d'eau de plus sur la tête. Allons, ne rabâchons pas. André, reconduis notre ami, mon enfant. Maître Auboin renouvela, en saluant Geneviève et Ribert, ses protestations de dévouement. Il partait mécontent. Il l'aimait, ce Ribert. Et avec son flair d'homme de loi, il sentait la ruine prochaine. Il la voyait, de son œil de parisien et de notaire. Pauvre Jean. Et cette adorable fille, André, menacée de voir sa jeunesse engloutie sous cet écroulement. Il voulait lui dire tout bas de consoler son père, de lutter avec lui contre lui-même, et il la conjurait de redoubler d'énergie vaillante, tandis qu'elle l'accompagnait, sa belle figure sérieuse toute contristée, comme si le malheur définitif eût été là, déjà. Et Geneviève restait maintenant face à face avec Ribert. Elle était assise et comme tombée dans un fauteuil. Lui, debout, nerveux, marchant dans le salon attristé, où la lampe baissait, donnant plus de tristesse à ce tête-à-tête cruel de deux êtres désolés qui s'étaient aimés pourtant. Rien. Geneviève se heurtait avec un entêtement farouche à cette désillusion suprême. Elle avait tant espéré de cette visite. Rodillon, entrant là, c'était un messager de richesse qui venait. Et rien, rien, rien. Rien encore, dit-elle tout avec une expression de rage. Dans ce que Rodillon apportait, il n'y avait rien, rien. Le froid de neige du jour noir de décembre l'enveloppait, comme autrefois, jusque dans cette chaude atmosphère de printemps. Rien. Rien, pas même l'espoir d'une part quelconque dans la fortune de Ducray. Maître Auboin le laissait entendre clairement. Rien à espérer de l'oncle mort, car il avait dû déshériter ses neveux. Rien à attendre de Rodillon vivant. Rien, rien, rien. Elle répétait ce mot avec un acharnement de monomane. Ribert lui dit brusquement. Tu n'as donc pas entendu? Il avait trop, au contraire. Trop? C'est peut-être pour cela que vous avez dit non? Demanda Geneviève qui raillait. Certainement, c'est pour cela. Elle le regarda un moment, silencieuse, la poitrine gonflée d'une colère qu'elle essayait de dompter, puis, tout à coup, éclatant dans l'effondrement de ses efforts et de ses espoirs. Ah, tenez, monsieur, vous n'aimez pas votre femme, vous n'aimez pas votre fille. À son tour, il la regarda stupéfait. Geneviève, je suis lasse. Dit-elle, toute déchirée de douleur. Je n'en puis plus. Je suis brisée. Je suis à bout. Que disait-elle là? Ribert s'était arrêté, l'écoutant. Ce n'est pas là ce que le mariage m'avait promis, dit-elle avec amertume. Je n'ai rien à vous reprocher, sans doute. Quand vous m'avez prise, j'étais pauvre. Mais cette pauvreté même, je la préférais, moi étant libre, à cette gêne, à cette angoisse, à ce je ne sais quoi de mesquin et d'étouffant qu'est l'existence que je traîne. Je souffre. Vous ne le voyez donc pas? Eh non, vous ne le voyez pas. Vous avez ce qu'il vous faut, vous, puisque décidément il ne vous faut rien. On vous aime, on vous honore. Votre fille vous fait de la musique à laquelle M. Olivier applaudit. Eh bien moi? Accusez-moi de folie, si vous voulez. Je ne suis pas heureuse, à si peu de frais. Ambitieuse, soit, mais j'ai d'autres idées que les vôtres, d'autres désirs que les vôtres, d'autres soifs que les vôtres, ne fût-ce que pour André, dont je ne suis que la belle-mère, mais que j'aime, et l'avenir de qui je songe peut-être avec plus d'angoisse que vous, son père. » Victor se demandait si c'était bien Geneviève qui parlait. Il le savait bien, il le voyait bien qu'elle souffrait. Et pour qui était-ce, si ce n'était pour elle et pour André qu'il suait chaque jour le sang de son corps? Mais ce qui couvait de colère, ce qui s'amassait de rancune chez Geneviève, non. Il ne le soupçonnait pas, il était écrasé. Le nom d'André le rappela à lui. André, qui me comprend et qui me pardonne, si je ne l'ai pas faite riche, m'a remercié d'avoir refusé. André sera toujours heureuse si je ne descends jamais à une infamie. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas d'André, elle sera heureuse, je vous le promets. Ah, dit Geneviève, si vous en êtes persuadée, c'est que vous avez pensé à elle, mais à moi. Comment y avez-vous pensé? Je ne suis pas une héroïne comme André, qui a, je le reconnais, tous vos mépris pour le luxe. J'aime la vie large, poursuivit Geneviève. La vie de Paris que je vois là, à deux pas de moi, à deux pas de vous, chez des amis, chez des parents, Guillemard ou d'autres, et cette existence pour laquelle j'étais, pour laquelle je suis faite, y ai-je jamais goûté? Non, je l'ai attendue toujours, je l'ai espérée. Vous me l'aviez promise en faisant de moi votre femme, me l'avez-vous donnée? Chaque jour une déception, une déchéance nouvelle, je m'ennuie à périr, ah, je m'ennuie, et j'ai peur. Je sais bien ce qui peut venir à présent aller, la misère, oui, il n'y a plus que cela, parbleu. Vous êtes homme à l'accepter, vous, et André aussi, vous êtes stoïque, vous, et vous vous résignez très aisément, je l'avoue, au sort que vous vous faites, mais moi, moi, est-ce que j'ai votre âge? Et toutes les ardeurs refoulées de cette Parisienne de 26 ans, élevée en marge du luxe, l'ayant côtoyée et rêvée toujours, fille sans dot, femme sans fortune, bourgeoise au goût de patricienne, remontait à ses lèvres dans une protestation violente où ses appétits, sa jeunesse, ses songes, ses désespoirs se mêlaient dans une terreur violente des affres de l'avenir et une haine féroce contre les déceptions du passé. « C'est que nous y touchons à la misère, » disait-elle encore. « Elle est là, là. Et quand vous pouviez nous y arracher, vous nous y laissez tomber. Pourquoi? Parce qu'il vous déplaît de gagner trop d'argent. Et cette misère, si je n'avais pas la force de la supporter ?» La malheureuse. Il lui criait de se taire. Il éprouvait pour elle comme une honte. Était-ce Geneviève, sa Geneviève, qui parlait? Fallait-il devenir malhonnête? Dit-il sévèrement. Elle se leva et jeta ce cri de raillerie désespérée qui soufflait à Victor comme d'une honte. Eh! Vous trouvez tout malhonnête, vous! Mais cette honte, c'était pour elle, non pour lui, qu'il la ressentait. Cette surdité de conscience chez cette femme l'effrayait. Elle souffrait tant, il est vrai. Il faut pardonner tant de choses à ceux qui souffrent. Il essaya de l'attendrir. Il se sentait remué lui-même par des souvenirs qui maintenant, au moment où il allait écraser cette Geneviève de son mépris, lui revenaient au cœur et le gonflaient. Geneviève, voyons, Geneviève, vous n'avez pas oublié mon amour dès que je vous ai connue, ni mon bonheur quand votre père vous a donné à moi, ni mon travail incessant quand j'ai voulu vous faire heureuse. « Je n'ai rien oublié, » dit-elle froidement. Il lui avait pris les mains, la regardait au fond des yeux, cherchait le souffle de sa bouche. « Mon amour a toujours augmenté, toujours, comme mon bonheur, Geneviève. Oui, ce bonheur intime demeurait intact jusque dans mes épreuves de chaque jour. Mon affection a toujours été en grandissant jusqu'à présent. Tenez, où vos paroles viennent de lui porter un coup. Ah, que tu m'as fait mal, va, sans le savoir, sans le vouloir. » « Vois-tu, Geneviève, je travaillerai jusqu'à ma dernière heure, et je mourrai à la peine s'il le faut. Mais jamais je n'abaisserai le nom que tu as accepté de moi. Orgueil bourgeois tant que tu voudras, mais fierté de brave homme, qui a été élevé dans ces idées-là par les siens. Je ne suis pas fait pour ces tripotages. J'ai voulu voir, j'ai reculé. C'est trop sale. Crois-moi, Geneviève. » Et il la serrait contre lui avec un élan plein de passion et de douleur. « Je t'adore, ma Geneviève aimée. Et je ne peux pas, je ne veux pas te déshonorer. Vous m'adorez, dit-elle lentement, vous m'adorez. Elle répétait le mot avec une amertume pleine de reproches. si vous m'aviez adoré. Vous auriez été autrement habile avec l'oncle Ducret. Vous seriez peut-être son unique héritier aujourd'hui, ou vous auriez écouté les propositions de cet homme qui vous apportait un moyen de fortune, un levier inespéré. Vous auriez laissé là ce puritanisme qui me tue, et ce que je vous demande, la vie que je veux, vous me l'auriez donné. » Ah, cette fois, toute l'honnêteté bafouée du pauvre homme se révolta contre cette inconsciente ingratitude. Il la repoussa, cette femme qu'il aimait, qu'il adorait. Sa suppliante voix brisée venait de le lui dire. Il se redressa et brusquement, avec un accent qui était un ordre, « Assez, » dit-il, « vous ne m'aimez décidément pas, pas même assez pour essayer de me comprendre. Allons, il faut bien que je m'avoue cela. Vous n'avez jamais vu en moi que l'incarnation de vos rêves d'ambition, de vos désirs de fortune, et égoïstement préoccupé de vos soifs de vie, c'est vous, vous, qui osez nier l'immense amour de mon cœur. Cet amour-là, vous n'en êtes pas digne. Assez !» Elle eut alors, dans un mouvement subit de remords, un élan vers lui. Elle jeta un cri qui était la demande d'un pardon. « Ribert !»« Ah, plus un mot, ne m'approchez pas !» s'écria Ribert éperdu. « Vous n'êtes pas digne de ces larmes que je verse comme un imbécile et comme un lâche !» Il la repoussa brusquement, et par cette porte qu'il avait franchie pour aller rejoindre Rodillon tout à l'heure, il s'enfonça dans son cabinet, avide de solitude, et là, debout, le front collé à la vitre de la fenêtre, il demeura, les yeux hagards, fixés sur les lumières de la rue et les ombres des passants qu'il semblait regarder et qu'il ne voyait pas.